Analyse du 10 mai 2023. Thierry Pirlo, Sherpa One. Analyse du Fake Space Program, ou programme spatial du Deep State. Question. Est-ce que la NASA est vraiment ce qu'elle prétend être? Et qu'est-ce que l'opération Blue Beam? A-t-elle été créée pour simuler une invasion extraterrestre? Ce ne sont pas des questions faciles. Nous sommes arrivés à un point où toutes les connaissances que nous avons acquises sont remises en cause par les révélations et les informations auxquelles nous avons désormais accès. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans tous ces sujets. Même si pour le moment il n'y a aucune preuve, beaucoup de graines ont été semées qui nous incitent à réfléchir sur la logique de ces théories et à remettre beaucoup de choses en question. Mais ce n'est pas toujours simple dans notre société où les normes régies par l'éducation, la science, les dogmes, les croyances, etc. constituent la doxa officielle à laquelle croient nos familles, nos collègues, nos amis, nos relations. C'est très difficile aujourd'hui de remettre cette doxa en question, à moins de vouloir se retrouver à faire partie d'une minorité encore plus minoritaire et prendre le risque de se faire moquer et ridiculiser, ad vitam aeternam. Sauf que nous, les éveillés, avons déjà pris ce risque au moins une fois, en naviguant à contre-courant, en nous moquant des mesures sanitaires, en remettant en cause la doxa du Corona Circus et en évitant à tout prix les injections empoisonnées. Nous avons donc une sacrée longueur d'avance sur le troupeau des normies pour continuer à approfondir notre recherche sur la vérité, ou plutôt mettre au jour l'énormité du mensonge. Il est question ici de la NASA, avec ses images numériques d'une planète globe, ses pseudo-voyages dans l'espace, ses satellites envoyés en haute altitude par des ballons d'hélium, ou encore des projets secrets américains, The Black Projects, Majestic 12 et Blue Beam, censés nous faire gober le bobard ultime d'une fausse invasion extraterrestre par le biais d'hologrammes. Quant au mouton de base, il a déjà du mal à imaginer que sa première injection puisse lui être fatale dans les 5 ans. Alors, comment l'imaginer après 4 injections? Il n'y a plus qu'à espérer, pour son équilibre mental, que sa dissonance cognitive l'aide à occulter cette vérité jusqu'à la mort. Il lui est donc impossible d'imaginer qu'on ait pu lui mentir tout ce temps, sur les missions Apollo, sur les stations spatiales en orbite, sur l'Antarctique, et surtout sur la forme de notre planète, immobile qui plus est. Et pourtant, après des milliers d'heures de lectures et d'écoutes, qui représentent bien plus que tout ce que j'ai pu apprendre à l'école pendant 12 ans, je ne peux que me rendre à l'évidence. Selon mon intellect et mon ressenti, ces théories sonnent tout à fait vraies. Je suis déjà au courant depuis 2016 de la théorie sur les 7 astronautes vivants. À l'école, il y avait une blague qui circulait en 1986 sur la signification de l'acronyme NASA. N, nous. A, avion. S, 7. A, astronautes. Nous avions 7 astronautes. On était des gosses à l'époque, et on se moquait d'une tragédie qui aurait coûté la vie à 7 astronautes. Tout ça pour découvrir 30 ans plus tard qu'ils n'étaient pas morts, in fine. Parlons un peu de la navette Columbia. C'est difficile à prouver en termes de tromperie, mais bon, je pense qu'il n'y a jamais eu personne à bord de ces vols qui ont explosé, que ce soit pour Challenger au décollage ou pour Columbia à son retour. Par contre, les Américains sont les pros du false flag et de la fabrique du héros, pour la bonne cause bien sûr. Lançons-nous donc dans un petit calcul mental, vu que les satanistes aiment les chiffres et que l'Alliance aime également nous éveiller en disséminant ces petits cailloux. Date de l'accident de Challenger, 28 janvier 1986. Date de l'accident de Columbia, 1er février 2003. Soit, presque jour pour jour, 17 ans entre les deux accidents. Encore un 17. Est-ce bien une coïncidence ? Laissez-moi vous partager ma compréhension au sujet de la NASA. Après l'assassinat de JFK en 1963, 35e président et le Q number one, qui a initié la création de l'Alliance des Patriotes, les présidents qui se sont succédés étaient tous inféodés au Deep State US, jusqu'à Reagan, qui fut le 40e président américain. Reagan a été récupéré et installé à la présidence par l'Alliance. Dès le début de son mandat en 1981, il a œuvré pour une Amérique plus égalitaire, dans la tradition des Kennedy, avant de faire volte-face après l'attentat dont il a été victime cette année-là, attentat fomenté par l'État profond, en représailles à sa trahison envers le complexe militaro-industriel. Reagan était un acteur, et non un simple cow-boy. À 70 ans, il s'est dit qu'il valait peut-être mieux être un lâche en bonne santé qu'un héros décédé. Il existe une similitude entre Trump et Reagan, qui sont des candidats aussi improbables l'un que l'autre pour une campagne présidentielle et qui ont tous les deux subi des tentatives d'assassinat perpétrées par le système en place pour cause d'incompatibilité. L'un étant un acteur de westerns et l'autre de shows télévisés. C'est aussi la marque de fabrique de cette alliance qui veut nous ouvrir les yeux sur le grand film. Pour rappel, John Fitzgerald Kennedy était le 35e président américain, Ronald Reagan le 40e et Donald Trump le 45e. Entre ces trois présidents, que des présidents ripoux soumis au deep state américain. 35, 40 et 45, soit 3 multiples de 5. Encore une coïncidence, bien sûr. Cet attentat, en guise d'avertissement de l'état profond, a eu pour conséquence de tétaniser Reagan. Il a passé ensuite 8 ans au pouvoir en suivant strictement la politique de l'état profond. De temps à autre, au cours de son mandat, il eut des prises de parole énigmatiques et prit quelques décisions qui laissaient supposer sa loyauté envers l'Alliance. Il a été l'auteur notamment de quelques divulgations extraterrestres devant l'ONU et a enclenché le programme de la guerre des étoiles en 1983, qui peut-être ne consistait pas uniquement en un bouclier antimissile. On pense évidemment aux Black Projects américains, dans lesquels, à mon avis, étaient engloutis des centaines de milliards de dollars supposés être utilisés pour une fausse conquête spatiale avec son lot de navettes et de fausses stations orbitales jamais habitées. À la suite du faux accident Challenger, vidé de ses astronautes, Reagan a ordonné l'arrêt du programme des navettes spatiales, qui à mon avis devait coûter beaucoup trop cher au Deep State par rapport au retour sur investissement, ponctionné sur les impôts américains. En effet, les fusées coûtaient bien moins cher que de financer l'aventure des navettes. Car ces navettes nécessitaient une logistique colossale pour entretenir un big mensonge, tout aussi colossal, et qui leur coûtait les yeux de la tête. Pour créer l'illusion, la navette décolle avec des fusées très coûteuses et atterrit ensuite quelques minutes plus tard sur une base militaire à proximité. Lors du retour supposé quelques jours plus tard, cette navette est fixée sur un avion gros porteur qui la largue à haute altitude afin de faire croire au monde entier à son grand retour de l'espace grâce à un magnifique atterrissage filmé en direct. Plus c'est gros, et plus ça passe. Notez bien que personne n'a jamais filmé ni de l'intérieur ni de l'extérieur une entrée d'une quelconque navette dans l'atmosphère. Car cela n'a jamais eu lieu. Les pseudo-astronautes sont tous des fonctionnaires de l'État, briefés et grassement payés pour jouer leur rôle d'acteur, à l'instar d'un Thomas Pesquet, encore de nos jours. Mais pourquoi donc travailler avec des navettes et non continuer avec des fusées? Eh bien, parce que les fusées trompent leur monte un temps. Après, si on veut franchir un nouveau palier dans le mensonge, on doit s'en donner les moyens et surtout continuer à faire rêver le peuple américain qui en redemande. Quoi de mieux qu'une navette plus sexy, plus space program et surtout plus Hollywood pour alimenter la propagande et soutenir le culte du héros américain. Donc, en 1986, pour sonner la fin de la récréation, on envoie une Challenger vide de ses occupants entamer son dernier voyage qui sera explosif pour le coup. On continuera néanmoins à faire cracher le contribuable pendant des années encore pour soi-disant financer les missions suivantes et jusqu'en 2003 avec le pseudo-accident de Columbia qui sonnera le glas du programme. Faites donc vos recherches, cher Pawan.